le monde elle a les lettres. Go, il parle de moi mais je les laisse. Go, je sais que tu joues pas la laisse. Go, on va faire des fêtes. Go, oh ouais je baisse tout. Jamais je serai je laisse tout. Oh le con il peut me tester tout. Je sais pas sur ta tête. Je fais des tours dans le quartier c'est mort. Ma main a des traits sur lui. Ouais salaud. Ouais salaud. What?